Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple fait savoir que le conseil de mesures pour le problème des volontaires de Corée du Sud a tenu le premier coron, le 1233e rassemblement de mercredi devant l'ambassade japonaise à Séoul contre l'institution par les autorités de la fondation déshonorant les victimes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise.